بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من ذلك اليوم ندخل في سورة الأنعام. عند سورة الأنعام كي لبستيو. قال في المسألة 65 مسألة في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. Ensuite ils sont renvoyés à Allah, leur maître, la vérité. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك ويقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Donc ce noble verset, dans son apparence, nous laisse entendre que Allah est le maula des kafirin. Le maula, par la suite ça va apparaître le sens, car on peut le traduire de différentes façons, car lui-même en arabe il a différents sens. Quand est l'exemple de cela, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit également, et là, chaque âme sera éprouvée pour ce qu'elle a commise, et seront renvoyés vers Allah, leur maoula, la vérité, et seront perdus tout ce qu'ils auront forgé comme mensonge. Sourate Yunus, verset 30. Donc ces deux versets-là, c'est-à-dire le verset du Ba'th, ainsi que ce verset-là, démontrent que tout le monde a un maoula, que Allah Azzawajal est également le maoula des kuffars. قَالَ وَقَدْ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. Donc là, on a un autre verset qui dit que cela s'oppose dans le sens où Allah dit cela parce que Allah est le maoula de ceux qui ont cru et que les kuffars, les mécréants, n'ont pas de maoula. N'ont pas de maoula. Je pourrais le traduire directement, mais en traduisant, on ne verra pas le problème qui peut apparaître. Donc on le laisse en arabe et après, maintenant, en traduisant, ça va apparaître. Biznillah ta'ala. قال الجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم والمتصرف فيهم بما شاء ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. Donc maintenant le fait qu'il soit le maula des kuffars, là c'est dans le sens qu'il est leur maître, qu'il est leur roi, qu'il est celui qui gère tout ce qu'ils font comme lui il veut. Et le sens de maoula, lorsqu'il s'agit des mu'minines, en dehors des kuffars, c'est leur allié, celui qui les aime, celui qui leur accorde le tawfiq, celui qui leur accorde le secours. Et ça, on avait parlé déjà dans une des mas'alas précédentes. Que le maoula peut avoir plusieurs sens. Donc lorsque Allah dit la maoula pour les kuffars, c'est dans le sens qu'ils n'ont pas d'allié, ils n'ont pas de secoureur. Et ils n'ont pas son amour. قال وأما على قول من قال أن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائدون إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا. Donc il y a maintenant ceux qui disent que le ضمير dans ردوا, c'est-à-dire le wa ou jama'a, qui seront renvoyés, et dans مولاهم, le hum, que cela revient aux malaïka, alors il n'y a pas de problème, parce que le verset d'avant, il faut connaître le verset qui est avant. يقول الله عز وجل يرسل عليكم حفظة حتى إذا حضر أحدكم الموت توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Qui dit qu'il envoie sur eux des gardiens, et lorsque la mort leur vient, nos messagers leur prennent leurs âmes et ne font pas preuve de négligence. Donc là, le verset d'avant, il parle de quoi? Des malaïka. Donc on pourrait croire que le verset qu'on a cité aujourd'hui, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, ensuite ils sont renvoyés vers Allah, leur maoula, on pourrait croire qu'il s'agit des malaïka également, qui sont renvoyés à Allah, azawajal. Donc si jamais c'est le cas, il n'y a pas de problème. Le verset, il est clair. Il est wadih. قَالَ وَلَكِنَّ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ. Cependant, ce qui est le plus apparent, c'est que le damir revienne à qui? Au ibad, ça revient au serviteur, qu'il soit qu'il soit kuffar ou qu'ils soient des mu'minin. Et chacun, le mawla, revient dans le sens qu'on a cité auparavant. Naam, fabi hada, kammelna hadil mas'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.